journée de la formation professionnelle. Dans le cadre de la journée intercantonale de la formation professionnelle sur Radio Fribourg, ce mercredi 10 mai, Sophie Voyat est avec nous. Bonjour Sophie. Bonjour Didier. Sophie Voyat, conseillère en orientation, mais aussi coordinatrice de la plateforme Jeune. Alors qu'est-ce que cette plateforme Jeune ? Alors la plateforme Jeune, c'est comme son nom l'indique, une plateforme interinstitutionnelle qui s'occupe des jeunes dans la transition de la fin de l'école secondaire et l'entrée en formation professionnelle. Alors que fait cette plateforme Jeune concrètement ? Concrètement, la plateforme Jeune reçoit en fait les inscriptions des jeunes qui souhaitent trouver une place d'apprentissage et qui n'ont malheureusement pas encore pu trouver une place pour différentes raisons. Donc la plateforme reçoit toutes ces inscriptions, les analyse, regarde pour quelles raisons les jeunes n'ont pas trouvé de place, quels sont leurs besoins, quel est l'accompagnement nécessaire qui est adapté. Et ensuite, la plateforme Jeune les dirige vers les mesures qui sont adaptées aux besoins des jeunes, aux besoins reconnus des jeunes. Quel est le profil type de la jeune, du jeune justement, en recherche d'une place d'apprentissage ? Alors le profil type, il y en a pas, parce qu'on a vraiment toutes sortes de profils. Ce qui est important, ce sont des jeunes entre 15 ans et 25 ans qui n'ont pas trouvé de place de formation dans le secondaire 2 et qui souhaitent avoir de l'aide pour continuer leur recherche et vraiment qui ont envie d'entrer en formation professionnelle. Ensuite, on a des jeunes qui n'ont aucune difficulté particulière. Il y a des jeunes qui ont peut-être des difficultés de langue, des autres qui ont peut-être, ils sont un peu plus timides, ils osent moins aller vers des patrons, donc ils ont besoin de plus de coaching. Il y en a qui ont besoin encore d'appui scolaire. Les jeunes peuvent avoir des demandes et des besoins très différents les uns des autres. Alors, est-ce que cette plateforme Jeune, finalement, ce n'est pas une solution de facilité ? Est-ce que les jeunes ne se reposent pas pour autant sur vous ? Alors, je vous remercie de cette question parce que c'est un stéréotype qui peut revenir. Les jeunes qui s'adressent à nous ont en principe cherché une place d'apprentissage et n'ont pas trouvé. Donc, ils ont déjà fait des démarches. Si on s'aperçoit que quelqu'un n'a rien fait et qu'il voudrait utiliser cette solution comme une année de transition tranquille, on va lui demander de faire des démarches encore. Ça nous permet aussi de voir jusqu'à quel point il arrive à s'investir à ce niveau-là. Et quand il sera dans les mesures de la plateforme Jeune, il devra en faire aussi un certain nombre pour pouvoir trouver la place d'apprentissage. Dans les mesures, on ne va pas le laisser ne rien faire. Il est obligé de faire des stages, de faire des démarches, de faire des appels auprès du patron. Donc, ce n'est pas du tout un instrument de paresse. En tous les cas, on l'a bien compris, c'est un outil à la disposition des jeunes qui le souhaitent. Oui, tout à fait. Et c'est gratuit. C'est un service gratuit, c'est un service de l'État où il y a quatre services qui collaborent. Le service de l'orientation professionnelle, le service de la formation professionnelle, le service public de l'emploi et le service de l'enfance et de la jeunesse. Alors comment prendre contact avec vous, avec cette plateforme Jeune ? Alors une première partie pour les élèves qui sont encore au CO, en dernière année d'école obligatoire, cette inscription se passe via les conseillers en orientation des cycles d'orientation. Donc c'est eux qui vont transmettre les inscriptions et ensuite le jeune va remplir sa partie, va faire remplir les différentes parties au titulaire de classe, au conseiller en orientation. Pour les autres jeunes qui ne sont plus dans un CO, il faudra aller sur le site, se rendre sur le site de la plateforme Jeune qui est www.fr.ch/pfj. Là, il y a un onglet qui s'appelle s'inscrire. En cliquant dessus, on peut tomber sur le formulaire d'inscription qui sera disponible dès le 2 juin 2017. Et puis un numéro de téléphone également, je crois. Oui, il y a un numéro de téléphone pour la permanence téléphonique qui est le 026 305 28 66. Uniquement le matin. Uniquement le matin, de 8h30 à 11h30. En tous les cas, merci Sophie Voyat d'avoir évoqué l'espace de quelques instants sur Radio FR aujourd'hui, cette plateforme Jeune à la disposition des jeunes qui le désirent en recherche d'une place d'apprentissage. Merci à vous. On rappelle le site internet le www.fr.ch/pfj ou le numéro de téléphone 026 305 28 66 uniquement le matin. Sophie Voyat, je rappelle que vous êtes conseillère en orientation mais aussi coordinatrice de cette plateforme Jeune. Belle journée. Merci, pareillement.